François Morel, c'est à vous. Balkany, Platini, Cahuzac, Zac, Zac, Zakitsan, Zakitsan, Zakitsan, San, San. Je ne chante pas trop fort parce que je suis au fond de mon coffre en Suisse où l'ambiance est paisible. On peut dire que j'ai le nez fin. Mon voyage était prévu depuis plusieurs semaines. J'avais choisi de prendre un peu de recul et me réfugier en territoire helvétique, quitte à y présenter ma petite chronique hebdomadaire qui, depuis des années, m'est payée directement en liquide sur un compte que j'ai ouvert ici et à qui je vais rendre régulièrement visite. Il y a quelques années, quand l'argent coulait encore à flot sur France Inter et que l'on m'avait acheté à prix d'or afin que je n'aille pas m'offrir à la concurrence, me vendre plus exactement, j'avais bénéficié de certaines pratiques qui étaient d'usage à l'époque et qui ne choquaient personne et dont apparemment je suis, du fait de mon ancienneté, l'un des derniers à profiter ici à France Inter. Je suis allé voir les salaires de mes collègues. Beaucoup sont obligés de faire de la télévision afin de joindre les deux bouts. Je suis donc à Lausanne où nous avons beau temps. Des amis conseillers financiers me disaient « Mais la Suisse, c'est dépassé, c'est fini, c'est ringard. Vise Panama, les Seychelles, les îles Vierges britanniques. » Bien m'en a pris de ne pas les avoir écoutés. Balkany, Platini, Cahuzac, Zac. Je chante cette petite comptine, mais entre nous, je n'ai pas tellement le cœur à rire. J'ai trouvé inhumaine cette manière de distribuer chaque jour les noms au compte-gouttes. Moi, heureusement, je suis passé entre les gouttes. Aujourd'hui, pardonnez-moi si je suis un peu solennel, mais de Suisse où je réside, j'ai mal à la France. J'ai mal à ma France. Les révélations distillées toute la semaine au sujet des évadés fiscaux montrent une fois de plus que mon pays est à la traîne. Sur une population de plus de 66 millions d'habitants, il y a à peine un petit millier de personnes qui posséderaient un compte non déclaré dans un paradis fiscal. Autant dire peanuts, autant dire pot de balle. Et je m'interroge. Qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? Pourquoi, une fois de plus, les Français ne sont-ils pas compétitifs? Pourquoi ne sont-ils pas en tête? C'est désespérant. Et en plus, ce sont toujours les mêmes, des personnalités qui déjà ont été impliquées dans d'autres scandales financiers. On pourrait pas en trouver d'autres. Une qui doit également être désespérée, c'est Madame Le Pen, dont le principal programme pouvait se résumer à une formule, tous pourris. Quelle déception, quelle déconvenue, quelle tristesse pour elle de s'apercevoir que, dans son premier cercle, parmi ses plus proches amis, les pourris s'étaient immiscés. Elle, qui se vivait comme un rempart à la pourriture, sûrement par honnêteté, par cohérence, va faire profil bas, se crever un œil, entrer dans les ordres, abandonner la politique, sûrement. Balkany, Platini, Cahuzac, Zac, Zac, Zakitsan, Zakitsan, Zakitsan. François Morel, qui a trouvé refuge cette semaine chez nos amis de la RTS, la radio-télévision suisse, à Lausanne. Salut François et à vendredi prochain.